Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjona. De Transjona. De Transjona. De Transjona. Il y a beaucoup qui écrivent en anglais. Et c'est... Bonsoir, ici l'émission Transjanar, l'émission anarchiste Radio Air Libre, qui se passe tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h et qui est rediffusée le vendredi soir à 21h. Le sujet de l'émission de mercredi soir passé de 4 septembre était l'occupation policière du quartier Exarchia en Athènes, qui se passe actuellement. Mais ce mercredi soir passé, pendant l'émission directe en studio, nous avons eu un problème technique et 20 minutes du début de l'émission n'ont pas pu être enregistrées, ce qui est vraiment dommage parce que la présentation et l'intervention pendant 10 minutes avec notre invité n'a pas pu être enregistrée. Notre invité était Luca, un Bruxellois qui est passé cet été en Grèce, à Exarchia, en Athènes, chez Kevox et à Thessalonique. Pour ceci, je vous relis le texte « Description et histoire du quartier Exarchia » qui a été lu au début de l'émission par Nicole. Et ensuite, on passera directement à un enregistrement audio fait par Radio Libertaire en France, qui ont fait une interview téléphonique avec un couple anarchiste sur place dans le quartier Exarchia. Et ensuite, vous entendez le reste de l'émission qui a quand même été... heureusement enregistré. Bonne écoute. Exarchia est un quartier à Athènes, en Grèce, situé autour de la place du même nom, à proximité de l'Université Polytechnique Nationale d'Athènes. Ce quartier est bordé à l'ouest par Kolonaki. Il est relié par les rues Patition et Panepistimiou, ainsi que l'avenue Alexandras. Exarchia est située près du centre, au nord de l'acropole et de la place Syntagma, entre la place Omonia et Lycabette, à proximité de la colline Strephi. Il est composé d'un ensemble de petites rues aux nombreux graffitis et affiches. Dans ce quartier se trouve le Musée national archéologique d'Athènes. C'est là qu'ils sont installés la plupart des imprimeurs, éditeurs, libraires, disquaires, cybercafés et épiceries bio d'Athènes, ainsi que de nombreux squats, lieux autogérés et espaces sociaux libres, comme nos autres et le Kevox, situés de part et d'autre de la place Exarchia. Celle-ci est en forme de triangle au centre du quartier. C'est à Exarchia que commencent les émeutes en Grèce de décembre 2008, après la mort d'un adolescent de 15 ans, Alexandros Chirouropoulos, tué par balle par un agent de police dans une rue de quartier le samedi 6 décembre 2008. C'est également à Exarchia que débute le soulèvement contre la dictature des colonels en novembre 1973, lors de la révolte étudiante de l'Université Polytechnique Nationale d'Athènes, située à l'ouest du quartier et évacuée par les cars le 17 novembre 1973. Malgré sa petite taille, par rapport à d'autres quartiers beaucoup plus étendus et habités d'Athènes, Exarchia est considéré comme un lieu emblématique, voire mythique par ses partisans, mais très critique par ses détracteurs. Cœur de la résistance et de la culture alternative pour les anarchistes, anti-autoritaires, gens de gauche et écologistes, ou bien zone de non-droit, la police n'ayant pas le bienvenu, de violence et du commerce de drogue pour les médias de masse. Et le gouvernement grec qui tente par tous les moyens de détruire cet espace libertaire et démocratie participative. Régulièrement, des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les habitants du quartier. Mais parfois aussi, les affrontements opposent les résidents aux dealers de drogue qui tentent de s'implanter dans le quartier. La vie à Exarchia s'organise autour de la cohésion sociale, du partage et de l'autogestion. Des cantines populaires sont organisées pour assurer que tout le monde puisse se nourrir convenablement dans un contexte de misère sociale accrue pour la population. Des espaces sociaux ont aussi vu le jour et organisent des programmations culturelles, artistiques et politiques. Mais il existe aussi des lieux où l'on peut suivre des cours de langue gratuitement ou échanger tout type de savoir. Cet endroit, en plein cœur d'Athènes, souffle un vent de révolte et de liberté. Son maître mot est alternatif et tente de s'affranchir du mieux possible du système capitaliste et l'argent. D'ailleurs, les banques ont fait leur valise et en sont parties. Ceci, c'est une description de Exarchia, l'histoire qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Et maintenant, on passera à la suite de l'émission qui a quand même été enregistrée. Et c'est le blog... de Yannis Yuluntas. Oui. Blog yyy.net. Et donc, sur ce blog, j'ai pu trouver un article où il disait qu'hier soir, qu'il allait passer à Radio Libertaire en France et qu'il allait être interviewé pendant une émission de CNT qui s'appelle Chronique d'ailleurs, et où ils allaient parler de qu'est-ce qui s'est passé et que aussi l'actualité des derniers jours. Et je pense que c'est bien qu'on laisse écouter ça d'abord et après on peut continuer là-dessus. Aussi, juste dire encore un autre mot, il y avait aussi un contact qu'on a eu avec le squat Notara, qui malheureusement, je pense, à cause des circonstances, n'ont pas pu nous fournir un audio témoignage. Mais donc ils étaient aussi prêts à le faire. Quand même un grand merci par la radio. Et on comprend bien que ce n'est pas évident de faire ce genre de choses maintenant dans la situation actuelle d'attaque. Parce que je pense que c'est leur squad qui sera visé. Là. C'est un des deux plus populaires. Qui est encore là, mais nommé, qui va être attaqué. Allez, qui est dans la liste d'être attaqué peut-être bientôt. Ouais. Voilà, donc on comprend tout à fait la situation. Mais peut-être on peut quand même laisser écouter Yannis. C'est Yannis et Mimi, je pense. Ouais. Ils sont deux. Et ce sont des gens qui, entre-temps d'être en soutien, en lutte tout le temps, qui essayent de documentariser tout ce qui se passe et qui ont plein de choses à lire et vidéos et tout ça sur leur site en français. We'll be right back. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes donc en cette belle rentrée de 2019. Et j'espère que pour cette nouvelle année, on va avoir moins de choses tristes et colérique à exprimer, et peut-être plus de choses joyeuses à partager. Ce soir, on va parler d'une chose triste et d'une chose qui met en colère. On va parler du quartier Exarchia à Athènes, qui a été envahi par la police. C'était une promesse du premier ministre de l'époque, qui vient d'être élu, et donc il s'est exécuté. Il a mis un peu plus de temps que prévu, 2 mois au lieu d'un mois, mais toutefois, il a quand même envoyé ses flics et ses quelques chiens de garde du fasciste avec lui. Donc, on a eu la chance de pouvoir interviewer et échanger avec Yanis, un réalisateur français. Mais d'origine grecque, je crois. Et aujourd'hui, avec Céline, on va pouvoir en parler et discuter un peu de la situation. Donc d'abord, dans un premier temps, l'interview qu'on a eue avec Yanis, dans des conditions un peu rocambolesques. Donc excusez-nous pour la qualité du son. De toute manière, on reviendra un peu sur ces moments-là et on va pouvoir un peu balayer tous ces sujets au fur et à mesure de l'émission. Bonsoir Céline. Bonsoir. Donc, place à l'interview de Yanis, et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors, donc à qui ai-je l'honneur de parler ce soir? Alors, pour ce qui me concerne, donc Yanis Yuluntas, je suis dans les luttes en France et en Grèce. Et pour ce qui concerne en particulier Exarchia, je suis membre de l'Assemblée du Notara 26, le squat de réfugiés migrants. Et aussi d'un centre social autogéré sur la place Exarchia qui s'appelle le Cavox. D'accord. J'ai cru comprendre que tu es avec quelqu'un d'autre. Oui, bonjour de ma part. C'est Mimi. Je suis confondatrice. J'ai participé dès le début à l'occupation de logements pour les réfugiés et les migrants, notamment avancés. D'accord. Et Mimi, vous l'avez vu dans tous les films. Ne vivons plus comme des esclaves, je lutte donc je suis, et l'amour et la révolution que j'ai eu le plaisir de réaliser avec le collectif Anepos. Voilà. Super, on renverra tous les auditeurs vers ces trois documentaires qui sont, je crois, tous accessibles en ligne librement. C'est ça, ils sont sur YouTube en accès libre. Super. Est-ce que vous pouvez me présenter d'abord le quartier Exarchia? Alors, en quelques mots, Exarchia, c'est une vieille histoire, c'est pas un quartier tout nouveau. Et en particulier, il a vraiment changé de forme politique, on va dire, dans les années 70, parce qu'il a joué un rôle majeur dans la résistance contre la dictature des colonels, la junte. C'est là qu'a eu lieu l'insurrection de l'école polytechnique, qui se situe à l'ouest du quartier. Et donc, du 15 au 17 novembre 1973, c'était le début de la fin pour le régime des colonels. Et à ce moment-là, on peut dire que la résistance en Grèce au capitalisme, c'était plutôt une résistance communiste. Et à partir de ce moment-là, l'anarchisme a commencé à trouver sa place et à devenir de plus en plus influent. Et dans les années qui ont suivi, il s'est passé d'autres choses aussi. Je ne peux pas raconter dans tous les détails, mais disons que dans les années 80, à partir de 1985 et encore dans les années 90, il y a de nouvelles étapes de franchie dans le mouvement social en Grèce qui ont fait d'Exarchia le cœur de la résistance, en particulier libertaire. Anarchistes, anarcho-syndicalistes, anti-autoritaires et autonomes. Et aujourd'hui, dans ce quartier, depuis 2008, en particulier l'insurrection de 2008, qui a vu de nombreuses émeutes suite à l'assassinat d'un jeune anarchiste de 15 ans qui s'appelait Alexis Grigoropoulos. Depuis cette époque, donc, on a vu dans ce quartier fleurir encore plus de squats, de lieux autogérés. Donc, bien sûr, on n'est pas dans une zone coupée du capitalisme et de l'État, malheureusement. On n'est pas au Rojava, on n'est pas au Chiapas, mais par contre, il y a une telle concentration de lieux autogérés, de squats, d'initiatives indépendantes des pouvoirs, que ça en fait une zone assez à part entière en Europe, qui donne une idée d'une société qu'on pourrait désirer, même si pour l'instant, on est loin du compte, bien sûr, et on est en superposition entre deux mondes, le vieux monde qui ne finit pas de mourir, et un autre monde sur lequel on travaille ensemble, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en situation de résistance contre l'évacuation de ces fameux lieux. On reparlera un peu plus tard du lieu en question pour le visualiser un peu plus, mais est-ce que tu peux me présenter la situation vis-à-vis de l'État grec en ce moment ? En fait, on vient de changer de gouvernement en Grèce. Pendant 4 ans, on avait Tsipras avec Syriza, donc une gauche qui se voulait radicale et qui, en fait, sur le plan économique, ne l'était pas du tout, évidemment, parce qu'elle a cédé au bout de 6 mois aux politiques habituelles, les mémorandums, etc. Et par contre, sur le plan politique, il y avait de la répression, beaucoup de répression même, mais il n'y avait pas de décision majeure avec Sarkia. Il y avait de temps en temps des évacuations de squats. Hein. Ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'évacuation de squats sous Syriza, il y en avait déjà. Mais par contre, il n'y avait pas le projet d'évacuer tout le quartier comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, ce projet, il vient de Mitsotakis, donc le chef de la droite aujourd'hui, qui est en fait le fils d'un ancien premier ministre grec. Son projet qu'il a annoncé dès fin 2016, c'est de nettoyer complètement Exarchia en moins d'un mois. Donc déjà, pour l'instant, il n'a pas réussi parce que ça fait déjà 2 mois qu'il est au pouvoir. Il n'a toujours pas réussi à évacuer plus que 3 squats en réalité, alors qu'il en a beaucoup plus. Et donc c'est par rapport à ça aujourd'hui qu'on lutte face à un nouveau gouvernement qui, étant de droite, est encore plus dur, on va dire, contre le mouvement social anti-autoritaire et libertaire à Exarchia et qui veut évacuer complètement le quartier, mais qui a beaucoup de mal. En ce moment, il se passe des choses qui font que ben, non seulement ça résiste au niveau du mouvement social, qui est de plus en plus nombreux maintenant que le mois d'août est terminé et qu'il y a du monde qui revient un peu partout, mais en plus, les habitants du quartier, finalement, sont pas très heureux de la visite de la police parce que ça pose énormément de problèmes. La répression et beaucoup d'autres choses dont on pourra parler si vous voulez. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux me dire un peu comment la résistance s'organise? Je peux dire quelques mots, mais bien sûr je ne peux pas raconter tous les détails publiquement, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et donc avec Mimi on sera obligé de temps en temps de garder certaines choses sous le pied évidemment, mais évidemment qu'il y a un phénomène quand même qui est assez intéressant dans le quartier en ce moment, c'est que alors qu'il y a toujours eu des clans, des divisions quand même, hein, parce qu'il y a plein de façons de voir l'utopie de façon différente. Donc, dans l'histoire du quartier, il y a souvent eu des élans communs pour résister, mais par contre, des façons de travailler qui étaient très différentes, qui faisaient que certaines personnes, certains réseaux, certains lieux ne se parlaient pas forcément, ou pas du tout, ou pas beaucoup. Et là, par contre, il y a beaucoup plus de liens de diverses manières, hein, mais il y a beaucoup plus de liens entre les lieux, et donc la première forme de résistance, c'est de s'unir, de se mettre en réseau contre le pouvoir, contre la tentative de l'État d'occuper le quartier. C'est ça le fer de lance, je dirais. Et en plus, il y a un très beau travail qui a été fait, notamment du notaire Avensi, vis-à-vis des habitants du quartier, pour bien faire comprendre dans plein de langues, et pas seulement en grec d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent le quartier, qui sont des gens venus d'ailleurs, pour leur faire comprendre la situation exacte et pour leur demander, par exemple, de faire du bruit en cas d'évacuation. Et je dois dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont bien compris tout ça et qui voient très bien ce qui se passe d'un côté et de l'autre. En particulier, puisqu'on peut dire qu'actuellement on est sur une guerre de communication, hein, c'est les barricades de la solidarité, mais c'est d'abord une guerre de communication entre le pouvoir et nous. Et bien dans cette guerre de communication, pour l'instant, les gens qui voient du pouvoir, que ce soit à Exarchia ou même ailleurs, c'est qu'ils jettent des lacrymogènes sans arrêt dans le quartier, ils étouffent le quartier. Ils balancent même des lacrymogènes dans des lieux fermés comme le Cavox qui a été attaqué à 3 reprises par les policiers. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes, des grenades à l'intérieur d'un lieu clos qui est totalement interdit, même en temps de guerre. Hein. C'est un crime de guerre de faire ça, de gazer des gens dans un lieu clos. En plus, il y avait des enfants en bas âge, comme ça arrive quelquefois, puisqu'il y a plusieurs membres du Cavox qui ont des enfants en bas âge, des bébés. Ça aurait pu les tuer, quoi. Et puis, il y a eu des fêtes sur la place et il y a eu énormément d'interruption des fêtes. Il y avait des concerts gratuits sur la place Exarchia avec des chanteurs venus d'un peu partout et pour soutenir le quartier. Et ça a été interrompu à plusieurs reprises par la police avec des grenades. Et alors qu'il y avait des enfants, des familles sur la place, et ça n'a pas plu du tout aux habitants. Donc beaucoup étaient venus écouter les concerts. Et puis encore autre chose aussi, il y a des points de surveillance dans le quartier, même s'ils sont en ce moment, depuis hier, avant-hier, un petit peu moins nombreux. Et en fait, autour de ces points de surveillance, il y a beaucoup de répression. Il y a des passants qui sont arrêtés sans raison, qui sont envoyés au poste sans raison. Il y a des insultes, il y a des mauvais gestes. Et ça, les habitants du quartier l'observent, le constatent, le font savoir. Et je dois dire qu'il commence à y avoir vraiment un ras-le-bol dans le quartier. Il suffit que non seulement on voit les collectifs s'unir de plus en plus, se mettre en réseau de plus en plus, mais en plus, également dans cette guerre de communication, les habitants du quartier qui n'étaient pas toujours d'accord avec nous sur pas mal de choses, là maintenant, on en a vraiment marre et nous soutiennent pour certains dans notre résistance contre la tentative de l'État d'occuper le quartier et d'évacuer les squats. D'accord, mais... Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Je voudrais ajouter que, par exemple, à nos parents français, parce qu'on fait la sécurité pendant la nuit, pendant le jour, toutes les journées, toutes les nuits, que le CRS passe en disant des insultes, en provoquant, et même il y a des témoignages de réfugiés qui ont du papier, mais qui sont détenus de la police pour 2 ou 3 heures afin de le terroriser. En même temps, et le Barat en plus depuis le premier moment, parce que le 12 juillet, au début de juillet, ils ont coupé l'électricité. Et on a fait un petit texte, dans, aussi en langue anglaise, mais aussi en langue grecque, qu'on invite le personne, le voisin, de réagir avec toutes les façons qu'ils peuvent, avec le casserole, avec les assemblées publiques, avec faisant les tours provoquer des problèmes à la police. Et alors, comme vous comprenez, c'est le début de leur opération. Et lundi précédent, il y a 10 jours, qu'ils ont évacué 4 squads, 2 de 6 squads. Et ça, j'ai de l'Espirité Coupique, 17 et 2 des occupations des logements pour des réfugiés migrants. Et le désordre, c'était de la politique. Mais c'est le début de leur opération. Il y a aussi la façon de l'État d'attaquer. C'est un moyen de leur répression étatique. Le Mass-Média. Parce qu'en Mass-Média, ils disent qu'ils vont venir, ils vont évacuer tous les autres squats. Ils ont dit le nombre par rapport à l'État. Il y a 23 squats. Parmi eux, il y a 11 qui sont de squats politiques, 13 les squats d'occupation de logements pour les réfugiés migrants. Mais c'est le début, comme vous comprenez, le début de cet état de répression, cet état qui ressemble à la dictature quand même. Mais est-ce que j'ai cru voir qu'il y avait des gens de l'extrême droite, j'ai vu des photos de gens de l'extrême droite qui accompagnaient la police? Oui, il y a des gens civils. Donc il y a 2 choses à observer par rapport à ça. Donc Mimi parle de la répression qui montre une évolution fasciste du pouvoir. Je pense que là on peut observer en Grèce, mais aussi ailleurs dans le monde, une évolution fasciste du capitalisme. De toute façon, le capitalisme a toujours engendré le fascisme. Sous différentes formes, et c'est toujours très bien entendu avec. Et c'est toujours très bien entendu aussi, en réalité, avec les groupuscules qui servaient d'auxiliaires de police. Mais là, on le vérifie aussi sur le terrain, dans la tentative d'évacuation des policiers. On a à la fois des policiers qui semblent avoir été choisis plutôt pour leur position clairement fasciste. Donc on a beaucoup de policiers avec des exécutions, oui, bien sûr, fascistes et sexistes aussi, bien sûr, mais en particulier, il y a beaucoup de policiers, des exécutions qui sont des exécutions dorées, qui ne sont pas des exécutions avec le nom doré dessus, mais qui font allusion clairement au parti et en tout cas à la mouvance néo-nazie. Et deuxièmement, alors ce que tu disais à l'instant, c'est des gens en civil qui sont autour des policiers, qui sont un peu comme des miliciens. Alors bien sûr, il y a des fricants civils aussi, hein. Il y a des agents de renseignement qu'on appelle la Stalitès en Grèce. Mais il y a aussi, franchement, des gens qui servent à déplacer du matériel, qui aident la mairie d'Athènes à évacuer le matériel, qui ne sont pas des fonctionnaires de la mairie d'Athènes, qui tous n'auraient pas forcément eu envie de faire ce sale travail d'évacuer le matériel, des chaises cassées par les policiers dans les squats de réfugiés. Il y a des gens qui semblent être des auxiliaires de police recrutés parmi les non-nazis, des proches, et qui portent des t-shirts, qui sont des t-shirts de supporters néo-nazis de la Roma, d'un groupuscule d'ultra qui est très clairement identifié comme néo-nazi, ou encore le t-shirt, le fameux t-shirt bleu des fans d'Europe, ce, italien qui a essayé de bloquer les migrants dans les montagnes des Alpes, ou encore qui avait essayé de bloquer les migrants en Méditerranée avec le bateau César c'était en l'été de 2017, il y a deux ans. Voilà, donc on est vraiment face, non seulement à l'État, mais une alliance entre l'État et les fascistes. C'est quelque chose de très impressionnant sur le terrain, et c'est aussi pour ça qu'on entend autant d'insultes racistes, fascistes, sexistes à notre encontre, un peu partout, quoi. Et on a des menaces sans arrêt, quoi. Sans arrêt, on a des menaces. Ces gens-là passent leur temps à nous menacer. Ils attendent que ça, d'avoir l'ordre de nous porter dessus pour nous détruire, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment massif, en fait, cette attaque sur le quartier. Tu disais tout à l'heure qu'avec Syriza, il y avait quelques squats qui étaient évacués, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc très organisé et assez massif. Alors, c'est massif parce qu'il y a un déploiement policier massif. Donc, c'est massif au niveau du nombre de policiers, au niveau des rotations, ils ont beaucoup de rotations, etc. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Des gens des anciens du quartier nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu, même à des époques anciennes, à les années 90, on avait déjà subi des tentatives d'occupation policière, on n'avait jamais vu une amplitude pareille. C'est tout à fait nouveau, Sarkia. Par contre, au niveau de la puissance de feu, je dirais, du pouvoir, pour l'instant, même s'il a interrompu des concerts sur la place, même s'il a mis du gaz dans des lieux fermés comme le K-Box, même s'il a menacé clairement les gens de Notara 26 et il a arrêté des solidaires, y compris venus de France et de Belgique, il a arrêté des migrants, il a persécuté, il a frappé, etc. Pour l'instant, on n'est pas encore à un niveau, je dirais, de guerre de quartier, quoi. On n'est pas sur une bataille des quartiers pour l'instant. Je voudrais quand même qu'on comprenne bien la réalité par rapport à ça. On est sur une guerre de position. On essaie de contourner les zones de surveillance de la police. Et il y a des gens qui, la nuit, les attaquent avec des cocktails Molotov. Donc, c'est pas forcément des gens qui ont rapport avec les lieux. Dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire en la matière et qui font partie d'autodéfense populaire du quartier de différentes manières, que ce soit des Grecs ou des migrants, de certains anonymes. Et donc, il y a des déluges de cocktails Molotov qui tombent sur les postes de surveillance des policiers par 80 Molotov, 100 Molotov qui peuvent tomber en quelques secondes sur des postes de surveillance des policiers. Donc, ça fait partie aussi des formes de défense, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce genre de procédé. Mais pour nous, l'aspect principal, c'est la guerre de communication. C'est l'imaginaire social. C'est-à-dire, on est face à un pouvoir qui essaie de se présenter comme le garant de l'ordre, qui maintient l'ordre, qui vient pour rétablir l'ordre, alors qu'en réalité, il vient pour semer le désordre. En réalité, nous, on fonctionne très bien sans lui, on n'a pas besoin de l'État. Et d'ailleurs, il y a une image qui circule, c'est l'image sur la place, du concert magnifique, des tables de presse avec des livres partout, des livres pas seulement politiques, des livres, c'est pas seulement Durruti, Bakounine, des anarcho-syndicalistes célèbres, des anti-autoritaires, etc. C'est aussi des livres artistiques, c'est aussi Rimbaud, c'est plein d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est une autre image en dessous, la police qui arrive et qui empêche les concerts d'avoir lieu, et la police qui jette du gaz lacrymogène dans des lieux fermés, clos, mettant en danger la vie des personnes. Donc on a en haut Isarkia sans l'État, et en dessous Isarkia avec l'État, et tout le monde partage le même avis. On n'a pas besoin de l'État dans ce quartier, on fonctionne très bien sans lui, de façon dans l'autogestion, dans la solidarité, dans l'entraide, dans la démocratie directe, et même mieux parfois, on va peut-être pas jusqu'au consensus. Donc on avance vers l'utopie avec tous les problèmes d'une société en transition, c'est ça qui dérange en fait le pouvoir. Le pouvoir ne veut pas qu'on donne des exemples d'alternatives, le pouvoir ne veut pas qu'on montre qu'on n'a pas besoin de lui. Et c'est pour ça que partout où on tente de vivre autrement, comme avec Sarkia, et bien à chaque fois, tôt ou tard, il intervient pour essayer de nous en empêcher. Comment a vécu Sarkia pendant la grosse crise de la Grèce avec le triumvirat FMI, Europe, etc. Est-ce que c'était un lieu de soutien? Est-ce que c'était un lieu où les gens pouvaient venir s'entraider et vivre correctement? Exarchia, c'est un lieu de rencontre, de révolte, de révolution des militants. Mais en même temps, on doit dire que c'est vraiment très émouvant le fait qu'il y a beaucoup de camarades, beaucoup de militants de tous les continents qui nous envoient des messages de support et ils font des actions de support contre contre l'État facho. C'était vraiment trop important. Et c'est dans ces moments que je voudrais dire qu'il y a l'Assemblée Nopasaran. Et Nopasaran, c'est une assemblée dans laquelle participent de groupes politiques anti-autoritaires, anar, de squats, de logements de réfugiés, aussi de centres sociaux autogérés. Et on a préparé samedi précédent, samedi 31 août, et une manif et dans tout le dans tout le quartier d'Exarchia avec plus de 2000 personnes pour manifester contre la répression étatique et on invite tous les militants, tous les militantes, tous les camarades le samedi 14 septembre parce qu'on va faire une grande manif au centre-ville contre la répression étatique. Le 14 septembre, c'est ça. Des actions de support dans leur ville, village, pays en même temps. C'est le 14 septembre, c'est ça? Je n'ai pas entendu. 14 septembre, 14-09. Oui, oui. Exactement, c'est samedi, le 14 septembre, qu'on va faire la grande manif au centre-ville d'Athènes. Je voudrais voulu tellement l'invitation. Et face à la répression étatique, du fait le déchartement de l'exploitation, de la pauvreté de l'exclusion, qui cible les occupations, les mouvements anarchistes, les réfugiés, les migrants, les militants, qui se présentent sous la force d'une occupation policière des Salles et l'attaque contre les lieux de lutte, avec la suppression de l'asile universitaire, la chasse et l'emprisonnement des militantes, ainsi que l'amplification de l'armement juridique de l'État, ni trêve, ni reddition. Montons les barricades de la solidarité pour la contre-attaque face au système d'exploitation et de domination. Et une manifestation grande au centre-ville d'Athènes contre la campagne répressive et en solidarité avec les squats, le lieu de résistance et l'élite de classe sociale, on invite samedi le 14 septembre nos camarades dans tous les continents de dire avec nous non pas ça. De manifester, de faire des actions, de dire partout non pas ça. Parfait, le message sera passé. N'hésitez pas à nous envoyer le texte par mail, comme ça on le relira bien à l'antenne. Vive Voilà, on est toujours à l'émission Tranche d'un art, même si on était un peu tout à l'heure à Radio Libertaire en France. Ben voilà, juste pour dire que le dernier, c'était le slogan de la manif dernière à Xarxia. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a aussi eu un rassemblement en soutien à Xarxia ici à Bruxelles. Bon, on n'était pas tellement nombreux, donc j'espère pour la prochaine date. Donc si on a bien compris, le 14 septembre, ils demandent le monde entier de faire de nouveau des actions en solidarité. Ben voilà, j'espère qu'on a plus nombreux à ce moment-là. Mais pour continuer avec notre invité, parce qu'il n'a pas encore eu beaucoup de temps pour parler, parce que ça a quand même été un interview de 25-30 minutes, je pense. Donc, Lucas, toi, tu as été cet été là-bas, mais ouais. Toi, tu étais là avec d'autres contacts. Tu avais... Les contacts que j'avais, c'était les gens de la clinique autogérée, donc c'est un projet que je pourrais développer. Mais du coup, c'est une clinique qui a un espace et qui tient des permanences trois fois par semaine dans le centre social du Quai Vox, qui est situé sur la place Xarxia, en plein centre du quartier. Et du coup, ils proposent, selon les jours, je sais qu'il y a un dentiste, il y a du soutien psychologique, il y a des médecins généralistes. Après, voilà, pour tout ce qui est chirurgie, ils renvoient très rapidement à l'hôpital, mais ils ont un stock assez impressionnant de fauteuils roulants, de béquilles, ils peuvent s'occuper des entorses, des choses comme ça. Et en fait, c'est bondé chaque permanence. Enfin, en tout cas, on sent que c'est une forte demande du quartier. Et du c'est coup, un clinique autogéré, voilà, autonome, c'est ça. Voilà, c'est qui s'appelle l'Adzillé. Peut-être qu'il y a d'autres initiatives comme ça aussi en Grèce, mais bon, là, c'est celle que j'ai rencontrée. Et bon, ils partagent l'espace du Quai Vox avec le collectif Rouvikonas, qui est, du coup, c'est un collectif assez médiatique, un collectif anarchiste d'action, qui communique beaucoup là-dessus. Et l'État grec en a fait un petit peu... Le groupe anarchiste terroriste en puissance, voilà, et c'est un peu le. Allez. L'ennemi public anarchiste en Grèce. Et du coup, le Quai Vox, avec le Notara dont on a entendu parler, Yanis parler, sont les deux plus. Enfin, les deux squats les plus médiatiques, on va dire, et les ciblés. Notamment dans les médias mainstream et par l'État grec et par le Premier ministre, c'est des symboles qui doivent tomber, en tout cas pendant cette opération. L'opération de police, il faut le rappeler, elle s'appelle Loi et Ordre. C'est le nom de l'opération de police pour nettoyer Xarxia. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore tombés. Non, voilà. Non. Du coup, l'offensive a commencé lundi dernier. Et il y a eu 4 expulsions de squats qui étaient en fait des squats qui logeaient des sans-papiers, mais qui n'étaient pas... Il y a eu un centre social sur les 4, mais c'était surtout des squats de logement. Il y a eu 160 arrestations de personnes migrantes qui ont été envoyées dans des prisons pour migrants. Et donc, qu'est-ce que la clinique... qu'est-ce que toi, tu as pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont... besoin de... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les aider, ou est-ce qu'il y a un soutien international aussi? Il y a du soutien international. En vrai, leur plus gros stress en ce moment, c'est de se faire expulser. Et quand j'y étais, ils ont décidé de rester jusqu'au bout. Il y avait cette décision de ce collectif de est-ce que, en prévision, on sauve tout notre matériel et on part. Du coup, c'était début juillet, il y a presque 2 mois. Et en fait, finalement, ils ont décidé de rester jusqu'au bout, quitte à perdre du matériel. Voilà, matériel qu'ils ont acquis grâce à la solidarité locale, mais aussi internationale. Yanis Yuluntas, qu'on entendait plus tôt, en fait, a fait partie notamment de l'organisation de plusieurs convois solidaires venus d'Europe. Et le collectif Adzié de la clinique autogérée était un des bénéficiaires directs de ces convois solidaires. Et tantôt, tu avais dit aussi que la clinique, maintenant, elle sert aussi à pour les blessures qui sont maintenant à cause de cette opération policière. Donc, ils sont maintenant très occupés aussi à s'occuper des gens qui sont blessés pendant les rafles ou non. Je ne suis pas bien compris alors. Okay. Mais sans doute. En tout cas, c'est les médics les plus proches et les plus fiables, je pense, sur place. Ouais. Et mais tu avais aussi parlé qu'il y avait un squat qui existait longtemps, qui ont été démoli. Ça renvoie au fait que la résistance en Grèce, ça ne se passe pas juste à Exarchia, c'est partout en Grèce. D'ailleurs, Exarchia, c'est le symbole de la résistance anarchiste, mais dans l'opération de répression, il y a au moins une vingtaine de squats qui sont concernés, qui sont en dehors de ce quartier-là. Et dans d'autres villes, notamment, je suis passé par Thessalonique, et là-bas aussi, il y a un mouvement squat et anarchiste très fort. Et j'ai rencontré des gens du collectif Libertatia, qui est un squat un peu emblématique sur Thessalonique, qui existe depuis 2008. Et en fait, le 21 janvier 2018, il y avait une énorme manif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce problème entre la Macédoine et la Grèce, mais il y a des revendications un peu identitaires, et il y avait une énorme manifestation plutôt de droite, mais en fait qui a été noyautée par des groupes fascistes et des groupes de hooligans. Et donc ce fameux 21 janvier 2018, il y a 200 nazis qui sont allés attaquer ce squat-là et qui l'ont mis en cendres à coups de cocktail Molotov. Et en fait, moi je suis arrivé cet été, c'était un an et demi après les faits, et c'était super impressionnant parce que il y a plein de collectifs, une petite dizaine de collectifs anar, d'autres squats qui sont fédérés autour de cette question-là, de qu'est-ce qu'on fait de ce squat-là, est-ce qu'on change. Et en fait, ils ont pris la décision de reconstruire le squat. Et donc c'est immense, c'est des dizaines de milliers d'euros, et pour le moment, ils ont déjà réunis au moins des milliers d'euros, plus de 10 000 euros pour sûr. Et il y a des échafaudages, il y a des appels à chantier collectif. Et ils espèrent rendre le squat complètement praticable parce qu'ils ont déjà reconstruit les dépendances qui étaient. C'est une énorme baraque bourgeoise en plein milieu de Thessalonique. Du coup, c'était la petite dépendance qui n'avait pas trop cramé au fond, qu'ils ont retapé pour pouvoir stocker leurs affaires et quand même pouvoir occuper le lieu et y faire des activités. Mais le gros de la bâtisse, ils aimeraient bien la réhabiliter d'ici un an et demi. Et je sais que l'été prochain, il y aura un gros chantier collectif. Et pour plus d'infos, je pense que les personnes intéressées qui passent par Thessalonique, ça peut valoir le coup de les contacter. Ils ont un blog qui s'appelle libertatia.blogspot.com. Et voilà, je pense que ils sont ouverts à toute aide internationale pour ce chantier-là. Et en fait, c'est assez symptomatique de la détermination du mouvement anarchiste en Grèce de... Alors, on se fait cramer notre squat, on se barre pas et on reconstruit le truc, même si ça va nous coûter 40 000 euros, grâce à l'entraide, grâce à la solidarité locale et internationale. C'était assez beau. Et pareil, plein de collectifs qui n'ont pas forcément les mêmes vues politiques, qui, j'imagine, peut y avoir des tensions, pas des différences de pratiques, qui se réunissent autour d'un projet comme ça, c'est assez fort, quoi. Ça envoie un message... vraiment chouette, j'ai trouvé, quoi. Et donc, pour les gens qui sont intéressés d'y aller, en Grèce. Tu avais aussi dit qu'il y a encore un Indie Media voilà, en Grèce qui communique. Hein. Je sais qu'il y a Indie Media Athènes, mais qui est vraiment... Il y a énormément de choses dessus, et c'est un peu dur de... Voilà, il y a plein de trucs culturels et c'est un peu fourre-tout. Et je sais qu'il y a un sorte de site qui est basé plutôt sur la trame d'Hémosphère qui s'appelle Kinematorama. K-I-N-I-M-A-T-O-R-A-M-A. Voilà, c'est un peu dur à dire. Mais, sinon, on peut mettre sur le blog de Transgenre voilà. Pour retrouver le lien. Ouais. Et sur ce blog, bah, c'est tous les événements publics du mouvement anarchiste autonome en Grèce, et c'est là aussi que c'est intéressant puisque on voit que ok, il y a beaucoup de trucs qui se passent à Athènes, mais c'est peut-être un quart des événements qu'il y a quotidiennement en fait en Grèce. Il se passe plein de trucs partout, et voilà. Donc c'est un grand monde d'anarchie parce ouais. Qu'on a l'impression que c'est comme qu'il y a beaucoup d'anarchistes en Grèce. Ben, comme avec disait Yanis, en fait, le mouvement anarchiste, il s'est vraiment construit. Et puis, il y avait un membre de Rouvikonas, le collectif, dont je parlais un peu plus tôt, qui était passé sur Bruxelles il y a quelques mois pour expliquer, pour parler un petit peu de tout ça, notamment de leur déboire en justice, mais qui expliquait un petit peu comment s'était formé ce mouvement anarchiste en Grèce. Et il n'a pas toujours été là. Il y a toujours eu des anarchistes, mais le mouvement, il s'est construit depuis les faits là, dans les années 70 dont parlait Yanis un peu plus tôt. Du coup, c'était 3 jours d'insurrection très très fort, focalisé autour de l'université polytechnique qui se trouve dans Exarchia. Et après ça, il y a eu un gros mouvement social. Ça crée une forte base, je pense. Et ça s'est renforcé au début des années 90. Il y a eu un très fort mouvement social étudiant. Pareil, je pense que c'est l'école polytechnique, c'est quelque chose qui joue un rôle assez important en fait, paradoxalement, parce que bon, on peut se dire, en tout cas en France, ou je sais pas s'il y a ça en Belgique. France, l'école polytechnique, c'est pas ça. Voilà. Et c'est assez étonnant, mais voilà. Mais pour pas le comparer non plus avec l'ULB, je pense. Voilà. Quand même, ça a été à certains moments une zone pour la lutte sans papier, mais bon, ça date. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ce lieu a vraiment un passif très important. Il a beaucoup influencé aussi la mouvance anarchiste et la mouvance autonome. Et du coup, il y a eu ce gros mouvement social où il y a eu... Voilà, le mouvement a pris de la force au début des années 90, et après... Il y a 2008, il y a la grosse crise, énorme mouvement social. En plus, à ce moment-là, il y a un ado qui se fait flinguer par un flic dans Exarchia. Ça déclenche plusieurs jours limite insurrectionnelle avec des émeutes partout dans le quartier et beaucoup de bastons avec les flics, enfin d'affrontements avec les flics. Du coup, voilà, je pense que ça, c'est un peu les choses fondatrices. C'est les quelques étapes, et c'est assez grossièrement résumé, mais qui ont pu constituer la mouvance telle qu'elle est, je pense, aujourd'hui. Et bon, après, il y a eu Syriza, il y a eu la déception de Syriza. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anarchistes qui ont appelé à aller voter à Syriza, pour Syriza à l'époque, et il y a eu énormément de déçus. Ça a beaucoup parlé, a beaucoup débattu à l'époque, mais dans tous les cas, le temps fait qu'il y a de plus en plus de monde dans cette mouvance-là. Après, j'en profite pour pointer 2 petits faits assez intéressants. Ben, cette école polytechnique dont je parlais, qui est un peu un symbole de la résistance, cet été, le nouveau gouvernement a fait en sorte qu'il n'y aura plus... J'ai pas le mot qui me vient, mais en gros, normalement, les flics n'ont pas le droit d'intervenir dans les universités, dans les écoles. Et depuis cet été... Comment ? Il faut demander l'autorisation du recteur. Voilà. Et à partir de cet été, il n'y a plus cet élément-là, et ils peuvent rentrer n'importe comment. Et du coup, ça rend le lieu qui était un peu une sorte de forteresse beaucoup plus facilement, qui peut être plus facilement prise. Et deuxième fait assez inquiétant, c'est le flic qui a tué Alexis Grigouropoulos. ce jeune de 15 ans en 2008, et du coup, dont la mort a été l'origine de beaucoup d'affrontements avec la police et d'une manif annuelle tous les débuts décembre, où voilà, ça part en émeute partout dans Exarchia. Le flic a été libéré cet été, sous le nouveau, il a été gracié, voilà, alors qu'il est. Il était condamné à bien plus, et c'est un peu une sorte de pied de nez, et non seulement c'est un pied de nez pour les anards en Grèce, mais en plus c'est vraiment donner un message fort à la police de vous inquiétez pas, on est avec vous, en fait, nous on va pas vous condamner, voilà, et que ça légitime une impunité, enfin ça, c'est un peu symptomatique de l'impunité policière qui risque de. Moi qui ai un soutien d'État direct, quoi. Ouais. Comment ce fasciste. Mouvement anarchiste il est perçu par le reste de la population? Est-ce que les gens se sentent solidaires ou est-ce que les gens se sentent. Je pense que c'est compliqué. En dehors, ou... Après ça c'est ma. C'est un point de vue subjectif, mais par exemple, en Belgique ou en France, les médias, ils se défoulent sur les islamistes. Il y a eu des attentats, c'est les ennemis publics numéro un qui font peur et voilà, qui font couler de l'encre, qui font vendre, en fait. Là-bas, il n'y a pas eu ces choses-là. Et du coup, les groupes armés, les derniers groupes armés, c'est des groupes anarchistes. Notamment, par exemple, le père du maire actuel d'Athènes, qui est un type de droite du même parti que le gouvernement, il s'est fait descendre par un groupe de lutte armée anar dans les années 90, en fait, quoi, le groupe 17 novembre. Et du coup, il y a une stigmatisation vraiment assez sale, constante, contre le mouvement anarchiste. Enfin, il y a une pression médiatique très forte, en fait. Du coup, des gens pas très politisés, comme il y en a énormément partout, et aussi en Grèce, ils vont suivre en fait ce truc-là. Et les anars, c'est quelque chose qui est hors la loi, qui trouble l'ordre public. C'est pas quelque chose de folklorique, limite, comme les gens ils pourraient penser ici en Belgique. Du coup, il y a ça. Et après, il faut se dire aussi la gauche, en tout cas le mouvement de contestation plus large, il y a un parti communiste qui est très fort en fait en Grèce qui s'appelle le Koukoué. Et eux, ils ne sont pas du tout copains avec les anarchistes. Hein. Ouais. C'est plutôt du style à se taper entre eux pendant les manifs. Ils n'ont jamais été copains avec les anarchistes. Ouais, mais par exemple, on peut voir aujourd'hui dans les mouvements sociaux, plutôt plus en France par exemple, ce qui s'est passé avec les. Dans les derniers mouvements sociaux, les communistes marchent à côté des anarchistes, même s'il y a des accrochages, c'est quelque chose de vraiment très impensable en Grèce. Ils se font vraiment la guerre, quoi. Et puis, le parti communiste, il est vraiment réactionnaire là-bas. Enfin, pour eux, l'homosexualité, c'est une déviance capitaliste qui sera résolue avec la révolution. Enfin, voilà, c'est un truc un peu trash. Et du coup, dans les mouvements de contestation et dans la gauche, il y a aussi toute une culture communiste héréditaire qui s'est transmise au fil des générations. Et je pense que dans les gens qui sont du côté communiste, il y a beaucoup de gens qui sont braqués et qui ont cette culture. Les anarchistes, c'est des petits bourgeois. Voilà, qui... Du coup, voilà, ça c'est mon avis. Et le soutien aux migrants, ça n'aide pas. Non plus. Je pense que c'est instrumentalisé par l'État. Ouais. Ils laissent les criminels avoir un territoire de non-droit et faire leur trafic de drogue. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais ce que je me demandais, quand même, j'ai pas plus vraiment suivi tout près. C'est à certains moments sur le blog, j'étais un peu étonnée de lire que. Yannis disait que l'Aube Dorée a quand même eu des défaites. Donc, ouais. Et que maintenant, c'est pour ça que la réaction est encore plus forte. Parce qu'ils veulent. Parce qu'il analysait que c'est un peu comme ça, comme les anarchistes ont quand même résisté et attaqué un peu le fascisme. De l'Aube Dorée, et maintenant il reprend la revanche, quoi, un peu, via d'autres des guerres civiles. qui sert... Obdoré, ils ont été très affaiblis ces dernières années et pendant les dernières élections, ils ont perdu leur place au Parlement. Du coup, c'est en effet une défaite. Et ils ont reculé dans la rue, ils sont beaucoup moins tranquilles. Il y a des centres sociaux anar ou autogérés qui ont ouvert dans les quartiers, des centres sociaux antifascistes surtout, qui ont ouvert dans les quartiers, dans le quartier d'Obdoré à Athènes. Voilà, c'est quand même... ils ont reculé. Ils sont installés chez eux. Ouais, okay. Voilà, ils sortent plus. C'est plus la même hégémonie qu'avant, mais c'est juste que la politique mainstream, elle s'est radicalisée à droite aussi. Et du coup, il n'y a plus besoin d'aller chercher des nazis pour avoir... Enfin, des nazis haut en couleur pour avoir une politique d'extrême droite très dure, en fait. Là, le gouvernement, officiellement, il est droite... très conservatrice, ligne dure, mais en fait, dans les propos et dans le soutien à la police et tout, je pense qu'on retrouve une politique vraiment très très raciste. Et que les... Voilà. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des déboires judiciaires pour Obdoré. Ils ont eu des procès, il y a eu l'assassinat de Pavlos Fissas, qui était un rappeur assez connu d'Athènes qui s'est fait assassiner par des nazis. Et voilà, il y a eu une enquête sous Syriza et bon, bah, les chefs ont pris, quoi. Et du coup, je sais pas si je me souviens plus quelles ont été les peines, mais ça a fait, quand les chefs sont touchés de la sorte, ça affaiblit en partie. Et... C'est quand même, oui, une bonne stratégie, la présence dans leur quartier. C'est ça qui a aidé aussi. Mais ça, c'est ouais. Dernièrement, je pense, ça va ouais. Petit à petit. Hein. Faut, ouais, oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, non, c'est un travail. Il faut le leader qui est parti ouais. Après que... Ouais. Après que Pavlos Fissas soit fait assassiner, il y a eu deux exécutions devant un local d'Obdoré par balle. Quoi. Enfin, c'est... je pense aller aussi petit à petit. Et puis, il y a eu des manifestations antifascistes très régulières, en fait. Des contre-manifestations... dès qu'il y avait un rassemblement fasciste, dès qu'il y avait des réunions publiques, il y avait un harcèlement antifasciste très fort, en fait, qui a rendu possible ça. Je pense qu'on a besoin de ça aussi en Belgique. Ouais. Bon. Moi aussi. Ok, mais bon, la radio. Voilà. Ok, mais je... peut-être on passe encore une petite musique et on verra si on... Ouais, ouais, le temps passe vite. Αναμφισβήτητα, τα πάντα κινούνται γύρω μου με νεκρά ταχύτητα. Ρεωμένα όλα κι όλοι με πίστη μας πάραν στα πόδια βαρύτητα. Κατεδαφίζεται ο οίκος από ρουφιάνους που μπήκαν στη ζούλα. Αγαπούλα, χωρίς κουμπούλα, που καλή και βαθιοπούλα. Ποιος θα σου πει τι πώς, που πότε και γιατί. Ποιος θα σου καθοδηγήσει, πες μου τη ζωή. Ποιος μαλάκας έχει μέσα τα αρχίδια να κοιηθεί. Τα πάντα έχει έξω από νομοτελειακά τα πανταρή. Νιώσε τις ορμές μας, καθώς οι ορδές μας ξεπροβάλλουνε μέσα από τις φωνητικές χορδές μας. Βρένω στο χθες μας τα βάλω, τέρμα στο αίμα για να γλιτώσεις τα σκυλιά σου που είναι έτσι κι αλλιώς δεμένα. Ψέμα, το ψέμα γένα, τη γένα το στέμα παραμένει να είναι άφταστος μύθος για κάθε πένα. Συγκεκριμένα, όλοι πεταμένοι μέσα σε μια αρένα. Οι παράνομοι επιβάλλουν τους νόμους και νομοταγείς την τάξη στο θέμα. Σήκωσε την αντένα, γάμο το φασισμό σου πουτάνα σκένα. Ναι, καλά κατάλαβες αυτό εδώ είναι για σένα. Διάλεξε, θέλεις κρεμάλα ή τρεχάλα. Κάνιεται κάθε είδους φασίστας μαλάκα και πάμε γυάλα. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους καθούρα τους τα μούτρα και γάμα τους τη φάρα τους. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους, καθούρα τους στα μούτρα και γάμα τους στη φάρα τους. Πάτησα το κουμπί της επανεξέλιξης. Δεν χρειάζεσαι την τόπα, άκου καμιά ένεσης. Έλευσης, άγουμε την ώρα της νέμεσης. Αιώνια παραφωνία της γαμημένης ασυνέλευσης. Παιδί της αναρχίας, πίστος ιός των πάντων. Ελλην προπάντων, πάσχω από έλλειψη μονάδων. Σε κατά στρόφικες εποχές, έρωτας φιπρές. Μεσάπα, αστρικές προβολές, στενές επαφές, καθημερινές. Είναι σαφτικές σκηνές, κινηματογράφικες σκηνές. Βάλε το Όσκαρ σου στον κόλο. Πομόλογο έχει τα δίκια σου, τι να σου πω. Μα ό,τι μου έχει μείνει να ξεσπάω. Είναι αυτό ένα κομμάτι χαρτί και λίγη μαύρη μελάνη. Για να με κρατάει ήρεμο μέσα σε αυτή τη στάνη. Τα δικά μου παιδιά ξέρουν καλά όταν με πιάνει. Δεν μου κόβει το δρόμο ούτε ολόκληρο τσουνάμι. Γάμα τους! Πάντα τους! Γάμα τους καθούρα τους τα μούτρα και γάμα τους τη φάρα τους! Γάμα τους! Πάντα τους! Γάμα τους καθούρα τους τα μούτρα και γάμα τους τη φάρα τους! Voilà, donc nous allons doucement terminer notre émission parce qu'il est déjà presque 22h. Donc on voulait d'abord remercier Lucas d'être venu. Merci pour avoir expliqué plein de choses. Je pense que ça serait possible éventuellement de refaire une émission sur la Grèce parce que je pense que ça ne va pas se terminer d'ici là. Disait Yanis dans un de ses articles, l'été à Athènes sera chaud. L'automne sera chaud à Athènes. Pas l'été, l'automne sera chaud à Athènes. Donc je pense qu'il va encore se passer plein de choses là-bas et qu'il faut suivre de près parce que c'est vrai que c'est assez important. D'habitude, je fais toujours un agenda, mais là, l'agenda est très court parce que je n'ai qu'un événement pour vendredi prochain. Donc vendredi dans deux jours, après-demain. Donc c'est un cours de boxe en mixité choisie, autodéfense féminine. C'est à partir de 10h et ça se passe au camp climat. Il faut parler peut-être le camp climat. Dans le cadre du climat de justice camp Belgium, et donc il y a ce cours qui est organisé en mixité choisie et ça se passe à Breedveldstraat numéro 2 à Goik. Donc, ça se passe donc le vendredi 6 à 10h. Et c'est les injustices environnementales et climatiques touchent en priorité les personnes précarisées qui vivent dans les quartiers les plus insalubres et subissent en première les conséquences de la violence institutionnelle via la malbouffe ou la mauvaise qualité de l'air. Au niveau mondial, les femmes, parce qu'elles sont plus nombreuses à occuper les postes de main-d'œuvre les plus précaires, sont davantage impactés par le réchauffement climatique. Dans l'imaginaire, les hommes sont habituellement renvoyés à la rationalité et à la culture, tandis que les femmes, plus impulsives, sont réduites aux émotions et à la nature. Ce que, pour se développer, l'Occident s'est appuyé sur une logique patriarcale qui a largement contribué à la destruction de la nature. La lutte pour la justice climatique ne peut se faire indépendamment de la lutte contre le patriarcat. Donc, à l'intersectionnalité des dominations, il est nécessaire d'apprendre à nous défendre contre les agressions ponctuelles, contre la violence structurelle. Par mixité choisie, nous entendons « sans mec, c'est yes ». Voilà, donc c'est à partir de 10h, vendredi 6 septembre. Alors, je donne la parole à Lucas qui me lève le doigt. Mais cette activité, elle a lieu dans le cadre du Climate Justice Camp. Et c'est un camp au sud-ouest de Bruxelles qui a lieu de mercredi, aujourd'hui jusqu'à dimanche compris. Et il y a tout plein d'activités. Celle-là, elle a été posté sur Indymedia, mais il y a un programme assez chargé, il y a moyen de trouver les infos sur leur site. Et voilà, je pense que c'est assez intéressant parce que ça va pas juste parler de climat et ça va parler de plein d'autres thématiques très intéressantes. Et ça pense la question du climat de manière très globale et je trouve ça assez innovant et chouette. Ok, merci pour cette précision. Voilà, alors donc je n'ai que ça pour ce soir, mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un appel parce que Indymedia a un peu des problèmes d'argent et de personnes. Et c'est ça ? Non, je pense pas d'argent, c'est surtout de personnes, je crois. De personnes pour s'en occuper. C'est ça. Et donc, le jeudi, il y a eu un appel qui a été fait. Et à toi, à vous qui utilisez Indymedia, à vous, à toi pour qui Indymedia reste un outil de lutte important. Le collectif d'Indymedia a besoin d'aide. Nous sommes trop peu pour gérer la modération. Mais en plus de ça, tu l'auras sans doute remarqué, le site a planté 2 fois en moins d'un mois. Indymedia a besoin d'aide pour continuer à exister. Alors, si cet outil de communication fait sens pour toi, aide-nous à trouver un technicien ou une technicienne en SPIP. Le collectif d'Indymedia Bruxelles, voilà. Et alors, il y a un mail, c'est imc-bxl@riseup.net. Voilà, donc si jamais vous êtes là, si jamais vous sentez le courage d'aller voir les personnes du média pour pouvoir éventuellement les aider à continuer normalement, vous avez les informations sur Indymedia Bruxelles et sur, vous pouvez toujours leur écrire à l'adresse que je viens de vous donner. Ouais, comme ça, on peut aussi donner plus de nouvelles qui passent via la radio Air Libre sur l'agenda militant. Okay. Voilà. Merci. Poster, publier sur Indymedia. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire ce soir. Encore merci à Lucas. Et puis, on se reverra peut-être la semaine prochaine. Ah, certainement, il faut qu'ils nous écoutent pour les infirmières en lutte. Ah oui, c'est vrai. C'est les infirmières. On va parler des hôpitaux en lutte. Voilà. Ouais. Donc voilà. On vous souhaite... Et peut-être aussi parler de. Parce que pour les rencontres fascistes, il y en a plusieurs en septembre qui s'annoncent. Il y en a déjà une le 15 septembre, qui est un rassemblement pour la solidarité et contre l'extrême droite, parce que le 15 septembre, il y a des mouvements fascistes flamands qui se sont donné rendez-vous à la gare centrale de Bruxelles pour défiler dans les rues et porter leur message de haine. Donc il y a une contre-mouvement. Et avant ça, il y a vendredi aussi une rencontre à Gand. Ils ont invité, je ne sais pas qui, un facho de France qui vient parler et ça... Ouais. Donc, c'est Schiltenvrienden, ils sont situés à Gand et ils sont très actifs là-bas et partout un peu. Ils étaient un peu partout cet été. Donc, il y a du boulot à faire en Belgique aussi. Ouais. Mais un peu partout, je pense que c'est même dans toute l'Europe actuellement. Mm-hmm. Toute l'Europe, si on ne prend pas gaffe, on va arriver à une Europe vraiment fascisante. On n'en est pas loin, mais voilà. Mm-hmm. Merci à tous et à la semaine prochaine. En Grèce, ils ont arrivé à le faire, quoi. Tu vois, donc ils ont quand même battu. Tu vois, ils ont quand même lutté. Donc, mais il faut. Ils ont affaibli le mouvement, donc. Ok. Ouais. Merci. Au revoir. Ah, merci. Bonsoir à tous et en avant pour cette nouvelle Illinois. Bon, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.